Il la crut d'abord étouffée. Puis, l'ayant saisie par les épaules, il la retourna, sans qu'elle lâchât l'oreiller, qui lui cachait le visage, et qu'elle mordait pour ne pas crier. Mais le contact de ce corps raidi, de ses bras crispés, lui communiqua la secousse de son indicible torture. L'énergie et la force dont elle retenait avec ses doigts, avec ses dents, la toile gonflée de plumes sur sa bouche, sur ses yeux et sur ses oreilles, pour qu'il ne la vît point et ne lui parlât pas, lui fit deviner, par la commotion qu'il reçut, jusqu'à quel point on peut souffrir. Et son cœur, son simple cœur, fut déchiré de pitié. Il n'était pas un juge, lui, même un juge miséricordieux. Il était un homme plein de faiblesse et un fils plein de tendresse. Il ne se rappela rien de ce que l'autre lui avait dit. Il ne raisonna pas et ne discuta point. Il toucha seulement de ses deux mains le corps inerte de sa mère et ne pouvant arracher l'oreiller de sa figure, il cria en baisant sa robe. « Maman, maman, ma pauvre maman, regarde-moi !» Elle aurait semblé morte si tous ses membres n'eussent été parcourus d'un frémissement presque insensible, d'une vibration de corde tendue. Il répétait « Maman, maman, écoute-moi, ça n'est pas vrai. Je sais bien que ça n'est pas vrai. » Elle eut un spasme, une suffocation. Puis, tout à coup, elle sanglota dans l'oreiller. Alors, tous ses nerfs se détendirent, ses muscles raidis s'amollirent, ses doigts, s'entr'ouvrant, lâchèrent la toile et lui découvrit la face. Elle était toute pâle, toute blanche, et de ses paupières fermées, on voyait couler des gouttes d'eau. L'ayant enlacée par le cou, il lui baisa les yeux, lentement, par grands baisers désolés qui se mouillaient à ses larmes. Elle disait toujours « Maman, ma chère maman, je sais bien que ça n'est pas vrai. Ne pleure pas, je le sais, ça n'est pas vrai. » Elle se souleva, s'assit, le regarda, et avec un de ces efforts de courage qu'il faut, en certains cas, pour se tuer, elle lui dit « Non, c'est vrai, mon enfant. » Ils restèrent sans parole, l'un devant l'autre. Pendant quelques instants encore, elle suffoqua, tendant la gorge, en renversant la tête pour respirer. Puis, elle se vainquit de nouveau et reprit. « C'est vrai, mon enfant. Pourquoi mentir ? C'est vrai. Tu ne me croirais pas si je mentais. » Elle avait l'air d'une folle. Saisi de terreur, il tombe à genoux près du lit en murmurant. « Tais-toi, maman, tais-toi. » Elle s'était levée avec une résolution et une énergie effrayantes. « Je n'ai plus rien à te dire, mon enfant. Adieu. » Elle marcha vers la porte. Il la saisit à plein bras, criant « Qu'est-ce que tu fais, maman? Où vas-tu ? » « Je ne sais pas. Est-ce que je sais ? Je n'ai plus rien à faire, puisque je suis toute seule. » Elle se débattait pour s'échapper. La retenant, il ne trouvait qu'un mot à lui répéter. « Maman, maman, maman !» Et elle disait dans ses efforts pour rompre cette étreinte. « mais non, je ne suis plus ta mère maintenant. Je ne suis plus rien pour toi, pour personne. Plus rien, plus rien. Tu n'as plus ni père ni mère, mon pauvre enfant. Adieu. » Il comprit brusquement que s'il la laissait partir, il ne la reverrait jamais. Et, l'enlevant, il la porta sur un fauteuil, l'assit de force, puis, s'agenouillant, en formant une chaîne de ses bras. « Tu ne sortiras point d'ici, maman. Moi, je t'aime et je te garde. Je te garde toujours. Tu es à moi. » Elle murmura d'une voix accablée. « Non, mon pauvre garçon, ça n'est plus possible. Ce soir, tu pleures, et demain, tu me jetterais dehors. Tu ne pardonnerais pas non plus. » Il répondit, avec un si grand élan de si sincère amour, « Oh, moi, moi, comme tu me connais peu !» Qu'elle poussa un cri, lui prit la tête par les cheveux à pleine main, la tira avec violence et le baisa éperdument à travers la figure.